Et moi je chante, et moi je danse, en attendant la fin des temps. Et moi je chante, et moi je danse, alors que ce monde ne tourne plus bien rond. C'est la crise, notre pognon a vraiment foutu le camp. Si je veux une belle vie, faut faire crédit. Tout a augmenté, même le café. Moi je bois du ricoré. Les actionnaires savent plus quoi faire pour que la bourse soit fière. Même les milliardaires tentent de quitter la stratosphère. Et moi je chante, et moi je danse, en attendant la fin des temps. Et moi je chante, et moi je danse, alors que ce monde ne tourne plus bien rond. La pollution de rien avant, on fera semblant de rechercher pour pas avoir l'air con une solution. Même mon diesel est pas aimé, t'as qu'à marcher à pied. Et les verts veulent protéger notre terre, stop au nucléaire. On ferait mieux de commencer, d'éviter de foutre nos ordures par terre. Et moi je chante, et moi je danse, en attendant la fin des temps. Et moi je chante, et moi je danse, alors que ce monde ne tourne plus bien rond. Les Mayas nous ont prévenus, bientôt on sera foutus, l'humanité sera exterminée. Certains tremblent, d'autres s'en fichent, t'as pas un autre bout de quiche. Extraterrestre ou catastrophe, naturelle ou humaine, à moins qu'on ait rien pigé, les Mayas doivent bien se marrer. Et moi je chante, et moi je danse, en attendant la fin des temps. Et moi je chante, et moi je danse, alors que ce monde ne tourne plus bien rond. Et la passion, et puis l'amour, dans tout cela, vous en faites quoi? Est-ce que le fait d'aimer peut nous sauver? Plein de sexe, je suis perplexe de voir toutes ces minettes. Y'a des bides, des métrophiles, à croire que les gens s'ennuient. Moi d'ailleurs, j'aimerais bien coucher avec une rachnie. Et moi je chante, et moi je danse, en attendant la fin des temps. Et moi je chante, et moi je danse, alors que ce monde ne tourne plus.